te vois ton ombre porter, ton sourire gêné et la flamme qui s'agite dans ton regard brisé. Plus rien, tout disparaît, juste le bruit de nos cœurs qui se battent et se frappent l'un tout contre l'autre, une guerre de silence. Tu vois mes cheveux frisés, mes yeux effrayés et mon cœur qui se noie dans tes mots enchantés. Au loin, le soleil couchant n'ose pas nous déranger. Il ne manque plus rien, peut-être un tapis volant. Et pourquoi pas? À 200%, j'attends et toi tu fais comme celui qui comprend. Tu viens tout près de moi et le temps suspendu nous offre le plus beau des cadeaux. Vivre que ça.